Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il était une fois, dans un pays lointain, un valeureux seigneur et une noble princesse. Il était une autre fois, dans un pays pas si lointain, un roi félon à la tête de ses troupes. Il était une fois, ici, chez nous, une dynastie fabuleuse et des vedettes de l'histoire. Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine ou encore le roi Arthur. Il était une fois des contes et des légendes qui nous racontent le Moyen-Âge, un Moyen-Âge souvent fantasmé. Mais la légende offre une autre manière d'appréhender un monde qui nous fait rêver. La démarche est d'autant plus légitime qu'il y a 1000 ans déjà, les souverains du Moyen-Âge utilisaient les légendes pour asseoir leur pouvoir. Oui, au temps des troubadours, il y avait de la propagande et de la communication politique qui n'avaient rien à envier à celle d'aujourd'hui, car les souverains du Moyen-Âge se revendiquaient du roi Arthur comme les nôtres se revendiquent du général de Gaulle. Aujourd'hui, le cours de l'histoire poursuit son aventure médiévale. Sans conteste, c'est Moyen-Âge Superstar. Vous pouvez d'ailleurs écouter ces émissions en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien les podcaster. Et aujourd'hui, chevalier, complot, faste dans des châteaux forts, roi, reine, chevalier, druide, oh là là, Merlin l'enchanteur et le roi Arthur. Tout le monde est là parce que la légende est aussi une bonne façon de raconter le Moyen-Âge avec nos invités. Amaury Chaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire médiévale, professeur en classe préparatoire littéraire au lycée Chateaubriand de Rennes et vous publiez Les Plantagenets et leurs cours, 1154-1216. Les Plantagenets, déjà, ça fait rêver. Ça évoque tout de suite un monde. Et ce matin, avec nous, il y a aussi William Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien médiéviste, spécialiste des cultures populaires et vous êtes l'auteur de Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie et du roi Arthur, un mythe contemporain. Tout ça, c'est aux éditions Libertaria. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien, qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs Quien pour le journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons nous rendre à Angers, jolie ville située sur la Maine, une rivière qui se jette dans la Loire. Mais nous y allons en 1973, pour les 800 ans de l'hôpital Saint-Jean. La ville d'Angers s'apprête à marquer avec éclat le 8e centenaire de l'hôpital Saint-Jean. Un anniversaire important, mais surtout une excellente occasion d'évoquer sur le mode de la fête un prestigieux passé. Pendant 15 jours, l'Anjou va suivre les pas des Plantagenets. Un peu d'histoire tout d'abord pour situer l'événement. 1170, Thomas Becket, archevêque de Canterbury, est assassiné à l'instigation de Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou. Dans toute la chrétienté, c'est la réprobation. Dans l'âme de Henri II s'installe le remords. En expiation de sa faute, il fonde à Angers l'hôpital Saint-Jean, l'un des plus beaux fleurons du style angevin. Monsieur le maire, quels sont aujourd'hui les rapports des Angevins avec leurs cousins d'Angleterre? Vous savez, l'Angleterre a fait depuis longtemps sa décolonisation, mais néanmoins, au point de vue culturel notamment, des liens existent et dans l'université d'Angers, il y a des échanges très réguliers avec des universités anglaises et indiscutablement, de la part de nos amis anglais, il y a un très grand désir de mieux connaître l'Anjou et de rendre présent ce vieux passé commun. Amaury Chaud, ça vous fait sourire d'entendre ce son de 1973 qui tisse des liens, monsieur le maire, tisse des liens entre Angers d'aujourd'hui et puis la dynastie Plantagenet. Elle est omniprésente, c'est vrai qu'on connaît tous ces noms parce que ce sont des vedettes, je le disais, mais Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine, des noms qui font rêver. Faut savoir qui ils sont. C'est une dynastie qui part de peu, qui part de pas grand chose en tout cas. Oui, ce sont des princes français, de langue française bien sûr. Et qui ont la caractéristique d'avoir réussi à assembler sous leur domination des territoires très très différents, très très disparates, d'où des problèmes de gouvernance hein, dans le contexte du XIIe siècle. Au départ, donc il s'agit de, avec le mariage d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, d'une alliance en fait entre la dynastie ducale donc de Normandie par la mère d'Henri II, le titre comtal d'Anjou. Par les ancêtres d'Henri II et puis le titre ducal d'Aquitaine. Bon, et à partir de cette aventure politique donc qui relie de très grandes maisons princières entre elles, démarre l'aventure en Angleterre cette fois-là par l'héritage de la mère d'Henri II. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons des seigneurs. De bons seigneurs quand même, et qui deviennent rois d'Angleterre. Il y a quelque chose de magique, mais à l'origine, c'est vrai que rien ne prédestinait, si ce n'est ces alliances, à se construire un tel destin pour les Plantagenets. Oui, il faut en fait une guerre civile en Angleterre à l'issue donc du décès du roi Henri Ier Beauclerk en 1135 pour que deux clans se manifestent, l'un donc qui est celui donc de celui qui va monopoliser finalement la couronne, Étienne de Blois, prince français lui aussi, de l'autre celui de ce qu'on appelle l'impératrice Mathilde, qui est la veuve de l'empereur Henri V, qui elle-même est remarié au duc de Normandie, donc Geoffroy, le Bel. Donc c'est par le biais de cette guerre civile que finalement on s'intéresse du côté de ces princes français à ce que va devenir la couronne d'Angleterre après Étienne de Blois, puisque il n'a pas une descendance très très féconde, et surtout son fils présomptif pour devenir un jour roi d'Angleterre disparaît prématurément. Dites-moi, Amaury Chauhou, ce nom Plantagenet, c'est vrai ce qu'on raconte, c'est la plante de Genet qui... Il y a beaucoup de choses à ce sujet, mais c'est attesté effectivement dans la documentation de l'époque. Donc ce serait d'ailleurs plutôt la graphie planteux Genet qu'il faudrait utiliser. On trouve en tout cas des traces de cette histoire très très très très ancienne. Oui, un fondateur de la dynastie qui avait une plante de Genet comme ça sur sa coiffe. On trouve chez Boisse, qui est un chroniqueur très proche d'Henri II, on trouve déjà cette mention de plante Genet pour Geoffroy le Bel, donc le père d'Henri II. Voilà, Geoffroy le Bel, donc un seigneur qui n'avait pas un destin exceptionnel en soi, mais qui donne naissance à Henri II. Henri II qui, lui, a un destin fou. C'est quoi ce... Alors, le mot est compliqué. Peut-on parler d'empire plantagenet? Ça, vous n'aimez pas trop. Non, je sais, j'ai lu votre livre. Merci. De quoi faudrait parler, en fait, sur ce territoire, cette influence? C'est un assemblage, oui, de territoires. Les historiens britanniques utilisent souvent le terme de Commonwealth, bon, qui est anachronique, bien sûr, mais qui est peut-être plus proche de la réalité que notre terme d'empire. Si on veut retenir la base latine du terme imperium, il y a bien, effectivement, une gouvernance unique qui s'attache à une personne, celle d'Henri II. C'est pour cela que on trouve des historiens français qui parlent d'empire personnel pour bien poser des restrictions sur le terme d'empire plantagenet. C'est avant toute chose un condominium, un assemblage, un agrégat, appelez ça comme vous voulez, de terres, de droits, de revendications aussi. Hein. Il y a des prétentions qui convergent vers un seul homme. Un seul homme sur un territoire donc qui s'étend quoi, de l'Écosse. Des confins de l'Écosse jusqu'au piémont des Pyrénées. Aux Pyrénées. Ouais. C'est un territoire immense. Ce n'est pas aussi étendu qu'on l'imagine par rapport à la France actuelle. Non. Par rapport à la France actuelle, la ville de Paris est hors de l'influence des Plantagenets. Oui, mais c'est vrai que la France contemporaine d'Henri II, c'est la France des quatre fleuves, hein, limitée donc par l'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône. Donc la façade atlantique dans les mains du Plantagenet, c'est évidemment un croissant considérable qui, donc, par le biais des relations féodales, est dans les mains du roi d'Angleterre. Et il faut jamais oublier que quand le roi d'Angleterre, que ce soit Henri II ou Richard, ça change rien au problème, traverse la Manche, de ce côté-ci de la Manche, il reste quand même roi. ce n'est pas qu'un prince territorial qui doit l'hommage pour les fiefs français à Louis VII ou Philippe Auguste. On est bien obligé de le recevoir quand même comme un roi. On ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il est roi de l'autre côté de la Manche. Et alors, Amaury Chauhou, vous venez de l'évoquer quand il se déplace sur cet immense territoire. Donc c'est vrai que dire que c'est plutôt la façade atlantique est intéressante de l'Écosse aux Pyrénées, un très vaste territoire. Nous avons un souverain qui s'impose, Henri II, ses successeurs aussi sont connus, Richard Cœur de Lion, mais... ce territoire à maîtriser nécessite des déplacements, énormément de déplacements. C'est-à-dire que nous sommes ici avec une cour itinérante. C'est vraiment ce qui est le plus courant dans l'histoire, la cour itinérante. On l'a oublié parce qu'on a l'image souvent d'un Louis XIV installé à Versailles, mais non, c'est une cour qui se déplace tout le temps. Bien sûr. Alors, l'itinérance est le fait de tous les rois et princes de l'époque. Il se trouve que dans le cas d'Henri II ou de Richard, ou même de Jean Santerre, en tout cas jusqu'à la perte de la Normandie en 1204, et des autres fiefs continentaux qui vont suivre, l'itinérance est très poussée. Parce que, à partir donc du noyau Angleterre-Normandie, plus donc des territoires apportés par Aliénor comme le duché d'Aquitaine, Henri II par calcul politique, combinaison, met la main sur la Bretagne, il pousse fort contre les princes gallois. Le Pays de Galles n'est pas unifié à l'époque, hein, il y a trois maisons. Il réussit à leur imposer sa domination, si vous voulez, et à les contenir plutôt sous sa férule. En 1171, pour reprendre l'évocation de tout à l'heure, juste après l'assassinat de Thomas Becket, dont Henri II n'a pas commandité l'exécution, mais donc, il se trouve Thomas Becket, l'archevêque primat d'Angleterre, hein, cardinal archevêque de Canterbury, Henri II prononçant des paroles malheureuses dans un contexte politique très houleux face à cet archevêque primat qui a pourtant été son chancelier jusqu'en 1164. Henri II est indirectement responsable de cet assassinat, effectivement, pour se faire un petit peu oublier, en tout cas recentrer son action politique de façon différente, il ordonne l'invasion de l'Irlande. Bon. Donc cet empire ou agrégat ou assemblage est un condominium transmanche et même trans Canal Saint-Georges, vous voyez, jusqu'à l'Irlande, avec du coup des itinéraires maritimes et une logistique qui sont considérables et très sophistiquées. Amaury Chauhou, donc nous comprenons bien ce qu'est ce monde des Plantagenêts. C'est un monde qui s'étend sur un vaste territoire. Je révise ma géographie, mais oui, il faut traverser la Manche pour aller de l'Angleterre jusqu'en Bretagne. Donc le roi traverse la Manche sans arrêt. Il n'y est pas rien de traverser la Manche avec sa tour. C'est très périlleux. Il y a bien sûr, autour de ces traversées, beaucoup de précautions qui sont prises, y compris au plan religieux. Et alors, sur ce vaste territoire, nous avons des gens qui règnent, une famille qui règne, donc on va dire de 1154 à 1216, donc c'est très longtemps. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qui nous intéresse plus encore aujourd'hui, c'est comment cette famille, les Plantagenêts, a réussi à imposer une image très forte, parce que parmi toutes ces vedettes, nous en avons beaucoup qui sont encore présentes aujourd'hui. Richard. Bonsoir, Richard. Vous étiez sur le point de vous coucher. Je reviendrai demain. Non, restez. Je vous en prie. C'est Mère qui m'a envoyé. Cela ne fait rien. Venez. Nos alchimistes ont découvert par hasard un procédé de distillation des raisins. C'est du marc de Bourgogne. Je suis le prisonnier d'Henri. Vous trouvez cela amusant? Non. Alors pourquoi ce sourire narquois? Je pensais à, je ne saurais dire pourquoi, à votre dernière visite à Paris. Ce devait être il y a 2 ans. C'est possible. J'ai besoin d'une armée, Philippe. Tenez, cela vous réchauffera. Il me faut des soldats. Extrait d'un film, Le Lion en hiver, film d'Anthony Harvey en 1968, avec au casting quand même Peter O'Toole qui est Henri II d'Angleterre, Catherine Hepburn, oui, Aliénor d'Aquitaine, fallait bien Anthony Hopkins pour être Richard, le futur cœur de lion, et puis Timothy Dalton pour faire le roi Philippe II de France. Dites donc, beau casting, mais à Maurice Chauhou, il faut bien ça pour parler des Plantagenêts. Il y a vraiment des figures, ils se sont construits, ils ont fabriqué leur image, tous ces souverains. Oui, parce que d'abord, il faut bien voir que l'accession d'Henri II au trône d'Angleterre n'est pas aisée. Il faut refermer une période de guerre civile qui a été houleuse, meurtrière, et qui a duré longtemps, hein, de 1135 à 1153. Il faut aussi, bien sûr, se faire valoir, pour reprendre ce que nous disions tout de suite, parce que Henri II, au départ, n'est que duc et comte en France, hein, donc par rapport au lignage capétien, avec des ancêtres prestigieux, le roi très chrétien, l'image de la couronne de France, de Saint-Denis, etc. Bon, il y a un déficit, si vous voulez, hein, du côté d'Henri II. Et puis, il faut bien voir qu'à l'échelle de l'Angleterre même, l'histoire tumultueuse de l'île a fait que vivent sur le même territoire des peuples qui au départ sont très différents les uns des autres, hein, entre donc les anciens Bretons qui sont toujours là, qui même s'ils ont été beaucoup refoulés donc vers l'ouest, le sud-ouest, les Saxons donc qui sont majoritaires, hein, depuis leur arrivée progressive 6e 7e siècle. Il y a donc des éléments, on dirait aujourd'hui un petit peu danois, donc scandinaves dans l'est de l'Angleterre, et puis il y a les Normands, hein. Notamment à cause bien sûr du résultat de la bataille d'Hastings, qui eux sont peu nombreux finalement numériquement, les compagnons de Guillaume le Conquérant et les descendants, mais qui dominent par tous les aspects politiques, religieux, économiques, l'ensemble en fait du fonctionnement de l'Angleterre. Donc il s'agit de continuer, parce que ça a été entrepris avant Henri II bien sûr, par la monarchie anglo-normande elle-même, il s'agit de continuer à produire de la synthèse, hein, en Angleterre. Oh là là, quel mot contemporain, produire de la synthèse. Ouais. C'est intéressant, parce que c'est vrai que vous l'évoquez dans votre ouvrage, Les Plantagenêts et leurs cours, paru aux Presses universitaires de France, qu'il y a vraiment une volonté. Alors on peut utiliser des mots très contemporains, mais ils sont légitimés, ceux de propagande ou de communication politique. C'est Jacques Le Goff, hein, vous le dites, qui utilisait ce vocabulaire-là. Mais il y a vraiment ça, chez les Plantagenêts, de la volonté de s'imposer en se construisant une image. On le voit bien, oui. Alors, par tâtonnement d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que au début du règne d'Henri II, Arthur est est déjà donc présent dans l'historiographie, enfin dans les chroniques, donc anglo-normandes. Il y a donc des auteurs donc comme Geoffroy de Monmouth, Guillaume de Malmesbury, Henri de Huntingdon, qui ont écrit sur ce qu'on pourrait nous appeler les temps arthuriens. Bon. Donc le roi Arthur est présent et récupéré par les Plantagenêts. Voilà, il est récupéré, mais pas tout de suite et pas de façon aisée. C'est-à-dire que, voulant faire de la communication politique, Henri II, dès le début de son règne, a, par exemple, l'idée de faire écrire une vie hagiographique d'Édouard le Confesseur. Le roi, donc, anglo-saxon, décédé en 1066. Bon, ça, il l'a confié au Saint-Bernard de l'époque, le moine cistercien anglais, donc à Alred de Rievaux. Bon. Wass, le chroniqueur de Jersey, lui, dès les débuts du règne, a mis en fait en français donc l'histoire des rois de Bretagne qui date d'une vingtaine d'années auparavant, qui elle donc était écrite en latin et donc versifiée. Il s'agit donc avec Wass de retranscrire et en même temps d'amplifier la matière que Geoffroy de Monmouth a laissée, ce qui fait que par exemple Wass crée la table ronde qu'on ne trouve pas chez Geoffroy de Monmouth. Bon. Donc Arthur est disponible parmi d'autres thèmes possibles, vous voyez. Du côté d'Édouard le Confesseur, l'écriture suscitée à la cour s'arrête très vite. Par contre, du côté de Arthur, on voit des prolongements, hein, c'est-à-dire que à partir de rameaux d'historiographie différentes qui vont valoriser tantôt la famille comtale d'Anjou, tantôt la famille ducale de Normandie, hein, avec donc Wass à nouveau et puis son continuateur Benoît de Sainte-Maure, on voit petit à petit mettre en place les éléments d'une continuité unité historique. Depuis donc les temps troyens, avant même Arthur. Bon. Puis l'exil de ceux qui vont devenir les Bretons, l'exil des compagnons donc de Brutus vers l'île qui va prendre son nom. Bon. Puis l'avènement du roi Arthur. Puis donc avec les chroniqueurs qui vont s'inspirer de cela, le lien possible qu'on peut faire vers la monarchie d'Angleterre du XIIe siècle. Amaury Chauveau. Je résume un peu ce que vous dites, parce que nous avons les informations, et elles sont considérables quand on regarde les Plantagenets. Un royaume, un territoire gigantesque de l'Écosse aux Pyrénées, divisé en plein de peuples différents, et en plus, juste à côté, dans la France, il y a les Capétiens qui, eux, sont également avec une assise mémorielle solide, qui se sont construits aussi, mais font la même chose. Donc, c'est un monde extrêmement complexe, un monde parcellé. Vous avez utilisé, Amaury Chauveau, le mot de synthèse, qu'il faut synthétiser. Un monde où peut surgir n'importe où des combats, et donc qui est un monde où l'on construit des légendes et qui est propice à la légende. Ce que nous entendons là, c'est la musique de la série Game of Thrones, qui est un énorme succès, qui est une très bonne série, qui mêle énormément d'éléments puisés dans toutes les légendes devenues de partout, qui est une construction assez intelligente. Et c'est vrai que dans ce que l'on peut récupérer aujourd'hui pour fabriquer ces séries-là, Game of Thrones, les Plantagenets ont complètement leur place. C'est ce type de construction-là qui permet de trouver des combats, des souverains. Vous le retrouvez quand vous entendez parler de Game of Thrones ? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que le nœud de l'intrigue renvoie à une certaine forme de conflictualité médiévale et en même temps à des recherches de solutions en termes de gouvernement politique. C'est ce à quoi étaient confrontés les Plantagenets. Vous expliquez à Maurice Chauveau qu'ils ont tenter des expériences. C'est vraiment l'idée à retenir aussi de votre ouvrage, Les Plantagenets et leurs cours, c'est qu'ils ont essayé. On ne savait pas, il n'y avait pas d'expérience antérieure, ou alors ils ont puisé, ils ont adapté. C'est un monde d'expérience. Ils ont cherché. Ils y ont mis beaucoup de leur personne. Si on prend par exemple la fameuse histoire de la découverte entre guillemets des restes donc du roi Arthur et de la reine Guenièvre à l'abbaye de Glastonbury. Alors ça faut raconter parce que c'est un truc exceptionnel. Dans le sud-ouest de l'Angleterre, donc au départ un incendie dans une vénérable abbaye bénédictine anglaise. Les moines qui sont en recherche d'argent, de financement pour reconstruire. Bon. Et du coup, à cause bien sûr de liens anciennement établis entre la geste d'Arthur et puis la plaine donc de Salisbury, Henri II qui se rapproche de ces moines pour faire germer l'idée qu'on pourrait peut-être exhumer des restes qui seraient présentables comme ceux donc de roi Arthur et de la reine Guenièvre. Alors c'est pas lui véritablement qui va être là. Enfin il y a deux versions de narration de cette pseudo-découverte, mais la narration principale, si vous voulez, attribue à Richard Cœur de Lion donc la supervision finalement de cette découverte donc qui est dans cette narration datée de 1191, mais c'est un formidable coup politique. Un formidable coup politique qui fait que la légende est essentielle pour la construction du pouvoir des Plantagenets. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que quand on recontextualise et que on se met à ce moment-là de l'histoire, nous sommes quand même au 12e et tout début du 13e siècle, les Plantagenets ont quand même mis en place des modes de pensée, de gestion du pouvoir qui font écho encore à ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense à la Grande Charte. Grande Charte de 1215, j'en lis un extrait, mais c'est vrai que ça fait réfléchir. « Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné ou dépossédé de ses biens ou déclaré hors la loi ou exilé ou exécuté de quelque manière que ce soit, et nous n'agirons pas contre lui et nous n'enverrons personne contre lui sans un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du pays. » 1215. Conformément à la loi du pays, c'est-à-dire dans l'esprit des barons qui poussent contre Jean Sans Terre, accusé d'avoir exploité trop fortement les ressorts donc de la monarchie, conformément à ce que le roi Arthur, au départ, a institué en Angleterre. Il s'agit en fait d'un retour à une monarchie qui est présentée comme un âge d'or du point de vue judiciaire. Les Plantagenets qui mettent en place ce système très intelligent en se reliant au passé et en imposant un mode d'organisation du pouvoir, on parlait de l'itinérance curiale, de la cour qui se déplace, on parlait également avec la grande charte de l'organisation juridique du pays. Ces Plantagenets ont un écho postérieur, on s'en souvient, on se revendique d'eux ensuite. Alors, dans l'histoire de l'Angleterre postérieure, il y a des collègues qui sont plus qualifiés que moi pour en parler. Je pense que les Anglais d'aujourd'hui préfèrent la dynastie des Tudors. Bon. Il y a un excellent livre d'ailleurs de mon collègue Bernard Cotteret qui est paru là-dessus récemment. Les Plantagenets par rapport à ça viennent certainement, peut-être même pas en second mais plutôt en troisième par rapport à la dynastie actuelle, mais dont il faut jamais oublier qu'elle a des origines allemandes quelque part. Bon. Et par rapport à la dynastie des Stuarts, alors eux ont mauvaise presse. Bon. Donc les Plantagenets, quand même, sont dans le top 3. Oui, je pense. D'ailleurs, la reine Elisabeth II est venue, il y a fort longtemps, à l'abbaye de Fontevraud. Se recueillir devant les tombeaux des Plantagenets. Donc ça prouve bien quand même que tout n'a pas été oublié. Et l'image des trois lions, des Three Lions, au départ, c'est bien les armes des Plantagenets. Amaury Chauhou, vous êtes historien et vous travaillez sur les Plantagenets, une famille qui a utilisé la légende et qui est entrée également dans la légende. On le voit par le cinéma, par les séries, par les ouvrages. Quand on est historien comme ça, mais c'est un peu la démarche que vous faites dans votre livre, il ne faut pas écarter la légende pour essayer de raconter une histoire qui serait événementielle et enlevée de tout ce qu'on a pu construire autour. Il faut intégrer la légende à cette histoire. Il faut la recontextualiser pour voir comment elle est le produit politique, social, spirituel, quelquefois, d'une époque. Elle nous dit beaucoup sur ceux qui l'ont suscité. Ce qui est intéressant avec ces légendes médiévales, c'est qu'on les retrouve partout, tout le temps, nous les connaissons, et nous allons désormais, après un moment musical, retrouver le roi Arthur et tous ses compagnons. Il y aura Lancelot, il y aura évidemment Merlin. Le roi Arthur est toujours présent parmi nous. Forget the fever down in your heart. I'm sure that fever is gonna be hitting you hard. You say it makes you feel you're alive. You call your father the moment that fever arrives. It comes easy to, comes easy to you, just like I do too. Balthazar qui chante Fever, Fever parce que Aujourd'hui, nous avons la fièvre du Moyen-Âge dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. William Blanc, nous vous retrouvons, vous êtes historien médiéviste, spécialiste des cultures populaires et auteur notamment de Winter is Coming et du roi Arthur, un mythe contemporain, c'est aux éditions Libertalia et nous l'avons entendu il y a quelques minutes avec Amaury Chauhou. Il y a évidemment une présence médiévale aujourd'hui, sans cesse, partout. C'est votre spécialité, vous avez un radar qui détecte un peu partout les échos de ces légendes arthuriennes dans le monde d'aujourd'hui. Alors le radar il s'affole un peu parce qu'il y en a beaucoup, donc en fait ça va être un peu compliqué de toutes les... Enfin moi je m'y perds moi aussi, donc je reçois des mails de journalistes qui me disent ah, vous faudrait parler de ça, donc il y en a plein des versions contemporaines du mythe arthurien. Alors moi je parle pas d'écho médiéval en fait, c'est pas de... Parce que écho médiéval, c'est-à-dire qu'en fait on reproduirait la légende comme elle était écrite au Moyen-Âge. Moi, je parle de médiévalisme, en fait. Enfin, je suis pas le seul à en parler, en fait. C'est pas moi qui ai inventé le terme. C'est-à-dire, en fait, une vision fantasmée du Moyen-Âge, en fait. Donc, il n'y a plus rien à voir, en fait, ou plus grand-chose à voir avec les versions médiévales, en fait. De toute façon, déjà, au Moyen-Âge, il y a d'énormes transformations du mythe, en fait, qui est constamment repris, retransformé, comme l'a dit Amaury Chauhou, en fait, selon le contexte politique, social, en fait, de l'époque. Et là, encore plus aujourd'hui, en fait, on est... Donc, depuis le 19e siècle, en fait, on a récupéré, repris... tiré dans tous les sens possibles et imaginables, le mythe arthurien, en enlevant des personnages, en rajoutant, en mettant des motifs qui n'étaient pas avant et tout. Parce que, encore une fois, c'est une production sociale, la légende, les mythes. Donc, bon, concrètement, bah, voilà. Donc, on produit une légende en fonction de l'époque, en fait. Vous avez raison de préciser ça, William Blanc. C'est-à-dire que ce qu'on récupère aujourd'hui ne correspond pas à ce qui a été mis en place vers le 11e siècle, à peu près, pour la légende arthurienne. Ouais, je suis plutôt 12e. Je pense que, voilà, c'est plutôt, que la 1130. Ouais, c'est ça. Geoffroy de Monmouth, puis après, ouais, ça. Puis après, Chrétien de Troyes, tout ça. Puis bon, voilà, c'est plutôt ça. C'est comme... Et vous, quand vous étudiez un petit peu cette évolution et cette récupération de la matière de Bretagne, le 19e est important. Le 19e, oui. Parce 19e qu'en fait, siècle. 19e siècle, parce qu'en effet, c'est ce que je pourrais appeler la première vague de médiévalisme, avec des gens comme Walter Scott qui vont vraiment faire beaucoup pour créer ce Moyen-Âge, en fait, en l'occurrence, parce qu'on peut limite parler de création du Moyen-Âge, du concept de Moyen-Âge, en fait. Je pense que la plupart d'entre nous, même les historiens, quand on parle du Moyen-Âge ou quand on rêve du Moyen-Âge, on rêve d'un Moyen-Âge, en fait, qui est complètement idéalisé, fantasmé. Voilà, quand on parle de Notre-Dame, par exemple, on pense plus à Notre-Dame d'Hugo que de la Notre-Dame, en fait, du 12e siècle ou du 13e siècle, en fait. Donc voilà, en fait, on est dans une espèce de réimagination du Moyen-Âge au 19e siècle, mais ce qui va être clé vraiment pour le mythe arthurien, c'est pas tant le 19e siècle en Angleterre que le 20e siècle américain, en fait, où là, c'est vraiment la culture pop américaine qui va beaucoup diffuser et utiliser le mythe arthurien, en fait. Un exemple immédiat. Non, mais je vous assure, vous auriez vu le vieil homme mystérieux qui m'a donné ses indications. Il a dit, méfie-toi, le Graal est un récipient. Du coup, ce serait un genre de saladier. Oh non, mais c'est pas vrai. Écoutez, Bord. Sans vouloir être blessant, est-ce que vous êtes sûr que ça change quelque chose? Il me semble que pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. De toute façon, le Graal, que ce soit un vase, un saladier ou un service à dessert, on n'a aucune piste. Alors... Justement, je pense que ça pourrait être un début de piste. Un début de piste? Alors maintenant, dès qu'un clodo vient nous taper deux ronds pour picoler, on tient une piste. À ce moment-là, moi aussi, j'en ai des pistes. Il y a un an, au Pays de Galles, il y a un type tout bizarre qui vient me voir. Je m'en souviens, il avait 7 poils dans les oreilles, il sentait la boucane, j'ai fait gerber. Il me dit, oui, tatati, tatata, le Graal, en fait, c'est une pierre incandescente. Quoi? Mais... Vous nous avez jamais parlé de ça? Bah non. Mais pourquoi? Bah déjà parce qu'à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire, incandescente. Et maintenant, vous savez? Bah, je l'ai su à une époque, mais maintenant... Peu importe, enfin, ça fait des années qu'on cherche un vase, nous. Un vase ou une pierre incandescente, c'est quand même pas pareil. Le problème, c'est qu'il y en a pas un qui dit la même chose. Et ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai arrêté le Graal. Comment j'ai arrêté le Graal? Au bout d'un moment, c'est un truc à se casser les dents, ça. Non, moi, je m'occupe de mon cas, c'est déjà pas mal. Je vais m'occuper de votre cas, moi aussi. Un extrait de Camelot du talentueux Alexandre Astier. William Blanc, vous évoquiez le fait que cette légende arthurienne, la matière de Bretagne, soit récupérée. C'est sans doute aussi grâce à sa capacité à être racontée de plein de manières. Là, on a eu l'exemple avec l'humour. Ouais. Ça peut être de plein de manières. Oui, c'est un genre complètement. C'est un mythe qui est complètement plastique. De toute façon, plus les mythes le sont, plus ils survivent en fait, mais ils se transforment en fait. Alors, ce qui est assez marrant avec cet extrait-là, parce que il y a aussi le côté bocal en choix qui est après. Voilà, donc en effet, Perceval les Bohortes décident de, enfin, c'est Bohort qui dit que c'est un bocal à anchois, en fait, le Graal. Bon, c'est une manière humoristique d'évoquer un vrai problème médiéval dans les sources, parce qu'en fait, personne ne sait ce que c'est qu'un Graal, en l'occurrence, hein. Quand Chrétien de Troyes l'évoque, il décrit pas ce que c'est, donc c'est le premier à l'évoquer. Et puis après, Robert de Boron, on va dire, c'est la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Puis après, bon, là, il y a plein de versions. Et même encore plus à l'époque contemporaine, où là, il y a des dizaines et dizaines de versions possibles, du Graal. Et, voilà, quoi. Donc, bon, voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant, voilà, de cette capacité qu'a ce mythe-là à être repris. Mais là où c'est assez fascinant, c'est qu'en plus, aujourd'hui, à l'époque contemporaine, c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est encore plus un mythe contemporain qu'un mythe médiéval, parce que ce mythe-là, il est plus présent aujourd'hui qu'il pouvait être au Moyen-Âge, parce qu'il se diffuse déjà sur plusieurs continents. Vous avez des versions américaines depuis le 19e siècle, vous avez des versions japonaises depuis les années 70, hein, de ce mythe arthurien, et puis ça se diffuse dans toutes les couches de la population. Au Moyen-Âge, à quelques exceptions près, c'est un mythe qui est diffusé dans les grandes cours, dans l'aristocratie. Voilà. Donc, voilà. Là, par contre, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être aristocrate pour regarder un épisode de Kaamelott. Hein, je pense pas. Donc, non, pas du tout. Même si vous avez raison, William Blanc le soulignait, ça s'appuie sur des réflexions qui nous intéressent. Hein. Notamment, il y a toute une réflexion sur la musique et la réforme grégorienne dans certains épisodes. Ouais, on dit, c'est très pointu. Mais par contre, je précise, dans Kaamelott, l'énorme contingent de référence, c'est des contingences de culture pop américaine, aux jeux de rôle, aux jeux vidéo et tout. Voilà. C'est ça qui fait qu'il. Et puis en plus, même au théâtre de boulevard, en plus français du 19e, 20e siècle. Hein, donc c'est ça qui accroche le public, voyez-vous. Je pense qu'il faut être un peu spécialiste pour capter que les débats sur le Graal, c'est des débats qui durent depuis le Moyen-Âge, en fait. Hein, donc, Voilà, plusieurs niveaux de lecture. Mais cette production qui était donc du 12e siècle, réservée à une élite et qui se diffuse au 19e grâce à Walter Scott notamment, devient une production mondiale. La rupture, parce que Walter Scott, tout le monde ne lit pas Walter Scott dans le monde entier. À quel moment se fait cette diffusion qui conduit à ce qu'au Japon aujourd'hui, on connaisse le roi Arthur? Ça se fait par plusieurs étapes. Hein. Ça commence vraiment aux États-Unis fin 19e siècle avec par exemple le roman de Mark Twain, un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. Ça se diffuse aussi je vais très rapidement parce que il y a beaucoup d'étapes, mais il y a aussi notamment des bandes dessinées. Une bande dessinée très connue par exemple à l'époque, mais qui est aujourd'hui un peu oubliée, c'est Prince Valiant. Donc d'Harold Foster, qui commence en 1937, qui est diffusé dans beaucoup de pays. Et puis vous avez tous les films hollywoodiens des années 50, qui en plus, alors après c'est des films, il faudrait l'expliquer un peu en profondeur, mais c'est des films qui ont un discours en fait très nettement de guerre froide, anticommuniste en fait. Donc vous avez voilà toute cette culture populaire américaine qui va beaucoup diffuser le mythe arthurien, d'autant plus que dans les années 60, c'est quelque chose assez étonnant qui se produit aux États-Unis, c'est qu'on commence à raccrocher le mythe arthurien avec le mythe de Kennedy qui se crée en fait. Donc il y a une espèce, notamment c'est la veuve de John Kennedy, hein, donc Jackie Kennedy, qui fait un parallèle entre son mari et le roi Arthur, parce qu'à l'époque vous avez une comédie musicale qui cartonne à Broadway qui s'appelle Kaamelott, où il y a Richard Burton qui joue d'ailleurs le roi Arthur. Et donc il y a une espèce, voilà, ça représente un jeune roi très très démocrate avant l'heure en fait, hein, qui est là pour imposer la paix à des chevaliers qui arrêtent pas de se battre entre eux. Et puis donc ça fait que vous avez une espèce de diffusion énorme dans la culture pop. D'ailleurs aux États-Unis, hein, de toute façon aujourd'hui quand on parle du roi Arthur, quasiment tout le monde comprend en fait Anne Kennedy, quoi. Donc et justement, j'allais vous dire, il y a un moment important aussi dans ces années 60 lié au roi Arthur, c'est en 1963, le dessin animé de Walt Disney. Il était une fois un magicien nommé Merlin. Il entraînera Moustique, un jeune garçon, dans une aventure fantastique. Grâce à la magie, Moustique découvrira les secrets de l'eau, du ciel et de la forêt. Il affrontera même les puissances du mal. Et pour couronner le tout, il deviendra le plus grand roi d'Angleterre. Merlin l'Enchanteur, un chef-d'œuvre signé Disney, le fascinant récit de la légende du roi Arthur. D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si bon roi que lorsqu'il mourut, nul ne put décider qui serait son noble héritier. Merlin l'Enchanteur chez Walt Disney en 1963. William Blanc, ces années 60 sont donc un moment de diffusion du mythe arthurien un peu partout dans le monde, mais avec vraiment une vision politique. Donc vous l'avez dit, le côté un petit peu ce jeune prince et le démocrate idéal, c'est un Kennedy avant l'heure. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a une lecture plus profonde à faire. Alors, après, des années 60, c'est un peu ce qu'on peut appeler la deuxième vague de médiévalisme, en fait, vraiment, où on part, là, c'est toute la jeunesse contestataire américaine, anglaise, enfin, dans beaucoup de pays anglo-saxons, et même en France, d'ailleurs, en l'occurrence, hein, mais à un moindre niveau, se jette dans une espèce de Moyen-Âge fantasmé qui, là, pour le coup, fait écho à une espèce de conscience proto-écolo, en fait. Hein, donc, le Moyen-Âge, c'est le temps de l'enfance, de la nature. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que ressurgissent, ou sont recréés, d'ailleurs, hein, des personnages qui étaient un peu mis en retrait dans les versions précédentes du mythe, hein, au fin 19e et au début 20e siècle, comme Merlin par exemple, hein, donc qui devient une espèce de druide. Enfin, il était déjà un peu, on avait déjà fait le parallèle entre Merlin et les druides avant, mais là ça devient vraiment le druide qui aime bien les animaux, qui est gentil et tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a une espèce de parallèle qui est fait très rapidement entre Merlin et Gandalf, enfin, du Seigneur des Anneaux. Et puis pareil, on va créer littéralement, enfin, ou recréer en fait une mythologie autour de la sorcière, hein, qui devient à la fois un personnage, un archétype féministe, mais aussi un peu écolo, en fait. Donc, c'est les sorcières, c'est les païens qui, en fait, étaient proches de la nature, alors qu'en fait, le christianisme était une religion destructrice de la nature. Évidemment, c'est des visions complètement fantasmées, en fait, assez binaires, mais ça marche, ça fait écho, enfin ça fonctionne, ce qui fait que il y a dans les années 60 une énorme fascination pour ce médiévalisme, hein, donc ce Moyen-Âge fantasmé, qui va lancer toute la mode des jeux de rôle, des jeux vidéo. George R. R. Martin, donc qui a écrit donc Game of Thrones, en fait, avant d'être adapté en série, c'est quelqu'un de cette génération-là. Il était à la fac dans les années 60, à la fac américaine, et puis il a découvert le Seigneur des Anneaux, puis s'est intéressé justement à ce Moyen-Âge complètement idéalisé, hein. Voilà. Donc, pour après, en fait, une espèce, faire une espèce de miroir inversé. Là, lui, c'est pas le Moyen-Âge idéalisé, c'est le Moyen-Âge, en fait, détestable, en fait. Voilà. Le Moyen-Âge très négatif, en fait, qui est aussi une version complètement fantasmée aussi, hein, du Moyen-Âge. Et William Blanc, comment évolue alors ce mythe arthurien dans un monde encore plus contemporain, c'est-à-dire presque aujourd'hui? C'est un Moyen-Âge sombre qui domine, ou c'est ce Moyen-Âge un petit peu épique qui a longtemps plu? Bah, ça dépend, en fait, hein. Ça dépend, parce que là, dans Game of Thrones, en fait, justement, vous avez une espèce il y a un peu les deux, quoi, en fait, hein. Donc, c'est qui est assez fascinant, quoi. Mais sur le mythe arthurien, par exemple, hein, depuis, il y a une tendance très lourde, en fait, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans les super-héros, où il y a en plus pas mal d'allusions arthuriennes, une tendance très lourde, c'est de mettre en avant des personnages féminins, hein, par exemple, hein. Depuis environ une vingtaine d'années, l'épisode où Arthur tire l'épée du rocher ou du perron ou de l'enclume, selon les versions, là, c'est plus un jeune garçon, en fait, hein, c'est une jeune femme, en fait. Hein. Et ça commence vraiment, vraiment à partir de la fin des années 90. Et là, évidemment, ça fait écho à nos sociétés qui se modifient, hein, qui changent. Hein. Et donc, il y a aussi une tendance très lourde à mettre de plus en plus de guerrières, hein, de chevaleresses, en fait, hein, donc de guerrières féminines dans les versions contemporaines du mythe, ce qui n'existe quasiment pas. Il y a une allusion, en fait, hein, donc dans le roman de Silence, en fait, hein, donc du 14e siècle, si je me souviens bien, une allusion médiévale à ça. Sinon, en fait, voilà, là pour le coup, c'est un phénomène très contemporain, quoi. Et évidemment, ça permet au mythe de se transformer et donc de devenir de plus en plus populaire et donc de continuer à exister. Amaury Chauhou, vous avez regardé beaucoup les Plantagenets, l'évolution de leur légende. Vous entendez ce que dit William Blanc. Tous les deux, vous êtes historiens. Vous portez un regard sur le monde d'aujourd'hui en faisant de l'histoire. Quelle lecture vous avez-vous de cette légende arthurienne qui n'existe pas en réalité, qui est quelque chose d'inventé, un monde nouveau? C'est dur de s'en départir quand on fait de l'histoire. Oui, surtout que c'est un monde qui procède par empilement, par entrelacement. Donc, on a l'impression, par moment, d'avoir la vision complète du monde arthurien, de sa construction, de sa réception aussi par les publics médiévaux. Et plus on se penche, en fait, sur la question, plus on continue à faire des trouvailles, parce que, simple remarque, le monde arthurien vu au Royaume de France au Moyen-Âge, parce que c'est l'héritage de Chrétien III qui va prédominer, et le monde arthurien vu en Angleterre au XVe siècle, n'est pas tout à fait le même, parce que l'œuvre de Thomas Malory, qui rassemble en fait la matière de Bretagne dans le contexte donc de la guerre des Deux Roses, hein, en Angleterre, l'œuvre de Thomas Malory est beaucoup plus sombre que ne l'est l'Arthur de Chrétien III. Donc ça fait réfléchir, bien sûr. Et puis toujours cette utilisation politique que vous avez très bien expliqué, William Blanc, selon les moments. Puis il y a un autre aspect à évoquer, c'est l'universalité de la narration. L'universalité de la narration avec des personnages forts. Oui, ça, préciser. Ça dépend après, encore une fois, université, mais ça dépend quels personnages vont être mis en avant, parce qu'encore une fois, selon les périodes, on va mettre en avant tel ou tel personnage pour faire écho à la société contemporaine. Voilà, c'est une université, on va dire, plastique, en fait. Voilà, une université à géométrie variable. Non, quand je disais l'efficacité de la narration, c'est qu'il y a notamment, ce qui marche bien, cette idée de quête, et pour vous faire plaisir, mais je pense que c'est pour faire plaisir à tous les auditeurs, je vous propose un bocal à anchois. Franchement, vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang ? Dans un bocal anchois. Déjà pour la contenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal anchois. Très efficace, hein. Kaamelott. Donc c'était Perceval qui disait ça, pas Dehors, autant pour moi. Non, mais voilà, toujours cette efficacité, et c'est vrai que l'on comprend comment la légende peut nous conduire à nous intéresser à une période. Après, il faut déconstruire les mythes, c'est ce que vous faites, William Blanc, dans Le Roi Arthur, un mythe contemporain, ou alors dans Winter is Coming, chez Libertaria, et c'est ce que vous faites également à Maurice Chauroux, dans Les Plantagenets et leurs cours aux presses universitaires de France. Mais nous allons retrouver maintenant, une autre légende, mais une légende bien réelle, est présente ce matin avec nous en studio. C'est Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Anaïs, bonjour. Bonjour. Alors, Xavier, bonjour à tous. Vous nous emmenez aujourd'hui en Serbie avec un documentaire, L'envers de l'histoire de Mila Turajlić. Si j'avais été meilleur en histoire, j'aurais su que toutes les révolutions échouent. Que fais-tu, maman ? Je marche. Alors arrête. Et ceux qui gagnent la révolution parviennent toujours à tout foutre en l'air. C'est Sribjanka Turajlić, brièvement ministre de l'Éducation, qui se débat un peu face au projet de documentaire de sa fille Mila. On entre dans un appartement bourgeois, la mère astique avec soin son argenterie. Elle vit là depuis toujours et raconte comment l'appartement familial a été découpé à la fin des années 40, au moment de la révolution socialiste yougoslave, pour faire de la place à quelques familles de sans-terres ou de prolétaires, comme l'annonce une de ses voisines contraintes. Oui, alors il faut quand même préciser qu'il n'est pas question de lamentation bourgeoise ou d'une chronique des victimes du communisme en Yougoslavie dans ce documentaire. Mila filme sa mère, née au sein d'une famille d'avocats démocrates, donc suspect aux yeux du régime de Tito. Son père la dissuade bien vite d'embrasser la même vocation pour élire une profession moins difficile à exercer sous un régime autoritaire. Elle sera matheuse, championne des Olympiades scientifiques des républiques socialistes et deviendra professeure à l'université. Mais c'est bien en tant qu'enseignante qu'elle entre en politique. Une fois le communisme déchu, une fois le nationalisme serbe au pouvoir, un pouvoir tenu d'une main de fer par Slobodan Milošević. Sribjanka Turajlić suit ses étudiants protestataires et fonde, avec d'autres, le mouvement Résistance pour l'avènement d'une Serbie démocratique jusqu'à leur victoire éphémère lors de la révolution du 5 octobre 2000 qui renverse Milošević. Ce n'était pas trop mal, mais trop long. Si je le faisais aujourd'hui, je réduirais. C'est ta réaction ? Ça, c'est bien dit, ça. Ça, c'est trop long. Il me faut une autre cassette. Tu ne vois pas ce que tu ne remets pas du tout en question ? Pour toi, c'est naturel d'être sur une scène et de t'adresser à la foule. Je ne connais pas d'autres mères qui aient été sur cette scène. Ça n'avait rien de naturel pour moi. Le fait que tu avais besoin d'agir, le fait qu'on n'ait pas quitté le pays, le fait que tu étais là-bas tous les soirs, le fait que tu savais quoi dire et que les gens t'écoutaient. Pour toi, c'est totalement naturel. Mais pour moi, quand on y pense, c'est très étrange. L'envers de l'histoire nous offre une traversée dans l'histoire de l'explosion de la Yougoslavie, de la mémoire du communisme, des traces de la guerre civile. Mais c'est avant tout un dialogue épineux mais affectueux, entre la réalisatrice et sa mère. Une histoire de l'engagement et de la difficulté à le transmettre. Scène terrible entre la mère et la fille. Tu vas changer les choses ? Non, je suis trop vieille. J'attends que tu le fasses. Je voulais que tu fasses un discours, pas moi. Si l'on veut du changement, c'est à ta génération de le faire, pas à la mienne. Maman, je ne sais pas faire un discours. C'est ton choix, quelqu'un va devoir le faire. Je ne saurais pas quoi dire. Smith trouve. Mila Turajlić, la réalisatrice, filme peut-être pour essayer. Elle qui ne veut pas vivre là, qui part vivre à l'Ouest pour ne pas avoir à lutter tous les jours, pour ne pas avoir à choisir un destin en fonction du contexte politique. Parce que cet appartement, sa mère n'en bougera pas, la lutte est sa substance. D'ailleurs, lorsque Nada, la voisine détestée, meurt, on défonce les portes condamnées depuis 65 ans et c'est presque une déception. Parce que comme lui écrit une de ses anciennes étudiantes, peu importe les révolutions ratées, les espoirs déçus, les attentes sans cesse repoussées, l'important n'est pas la fin, mais le chemin emprunté pour y arriver. L'important n'est pas la fin, mais le chemin emprunté pour y arriver. Merci beaucoup Anaïs, L'Envers de l'Histoire, un documentaire en chair et en os avec une héroïne et le fardeau d'être sa fille. C'est disponible en DVD. Demain dans le cours de l'histoire, nous allons continuer à parler du Moyen-Âge, mais pour le regarder d'une autre manière, c'est le Moyen-Âge sans couronne. On va dire, on va regarder ce qui se passe au niveau du peuple, parce que c'est essentiel également pour voir le Moyen-Âge ainsi, ou alors à le regarder par l'événement, par le baptême de Clovis, en l'occurrence avec Bruno Dumézil. Dites-moi, l'un et l'autre, William Blanc, Amaury Chauhou, quand vous voyez que le cours de l'histoire sur France Culture consacre une semaine au Moyen-Âge avec... Cette expression un petit peu tapageuse, mais qu'on adore, Moyen-Âge superstar. Mais c'est vrai, vous ressentez, vous, une nouvelle vision du Moyen-Âge? Elle s'impose peu à peu, ou c'est très difficile d'enlever les clichés que les gens peuvent avoir, à Amaury Chauhou? Il y a un poids des clichés qui est très très important. Un collègue a intitulé un ouvrage un petit peu polémique « Médiéviste est un sport de combat ». Et je crois qu'il a beaucoup touché ses collègues, et au-delà de ses collègues d'ailleurs, l'ensemble des historiens français qui l'ont lu. William Blanc. C'est Joseph Morcel, hein. L'ouvrage est disponible en ligne gratuitement. Donc voilà. Le Moyen-Âge est un sport de combat, quoi. Donc, mais là où c'est vrai que non seulement les clichés sont forts, mais là où c'est impressionnant, moi je fais quand même beaucoup de fêtes médiévales, par exemple, hein, qui rassemblent parfois des dizaines, des centaines de milliers de personnes, hein, notamment par exemple à Provins, donc, ou à Dinan. Eh ben, non seulement il y a beaucoup de gens, mais en plus on assiste, moi depuis environ 5-6 ans, et ça c'est l'effet aussi de la fantaisie, voilà, c'est que autant il y a 10-15 ans vous aviez des gens qui se baladaient en templier, alors en templier, voilà, c'est en templier comme on dit, voilà, en néo-templier. En néo-templier, voilà, donc même s'il y a des reconstituteurs très fidèles, etc. et tout, mais maintenant il y a de plus en plus de gens qui s'amènent en elfe, en orque, en nain, voilà, donc parce que maintenant ça, le Moyen-Âge ça devient ça en fait, hein, donc il y a Anne Besson qui est une spécialiste de la fantaisie, qui parle de mythification de l'histoire. Je pense que c'est assez bien. Moi, j'ai un terme un peu barbare, c'est fantaisification, c'est assez moche, je suis désolé, mais c'est un peu le cas, en fait. On a l'impression que le Moyen-Âge devient cette espèce de truc complètement magique, en fait. Voilà. Donc, et c'est plus tant le Moyen-Âge historique qui est invoqué que voilà, la fantaisie, et puis dans une espèce de mixeur. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Parce qu'il faut inventer des choses, et c'est très bien aussi qu'il y ait des historiens comme vous, Amaury Chauhou, comme vous, William Blanc, pour déconstruire aussi et y voir plus clair. Merci à vous deux, le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès et Camille André. Merci beaucoup, et nous nous retrouvons demain, mais si vous n'avez pas cette patience, vous pouvez aller sur le site internet franceculture.fr, écouter en ligne les émissions du cours de l'histoire, ou alors les podcaster.